les lustres et les lampes étaient allumés. Au moment où les enfants entrèrent, l'orchestre, composé de 4 musiciens, commença une contredanse. Les petites et Élisa la dansèrent avec plusieurs dames et messieurs. Les autres invités se mirent aussi en train, et une demi-heure après, tout le monde dansait dans l'orangerie et devant la maison. Les enfants ne s'étaient jamais autant amusés. Élisa était enchantée et attendrie de cette fête donnée à son intention, et dont elle était la reine. On dansa jusqu'à 11 heures du soir. Après avoir mangé encore quelques pâtés, du jambon, des gâteaux et des crèmes, chacun s'en alla, les uns à pied, les autres en carriole. Les enfants rentrèrent chez elles, avec Élisa, après avoir bien embrassé et bien remercié leur maman. « Sophie, Dieu que j'ai chaud! Ma chemise est trempée. Marguerite, et moi donc, ma robe est toute mouillée de sueur. Madeleine, ah, que j'ai mal aux pieds. Camille, je n'en puis plus. À la dernière contredanse, mes jambes ne pouvaient plus remuer. Marguerite, as-tu vu ce gros petit bonhomme, au ventre rebondi, qui a été roulé dans un galop? Camille, oui, il était bien drôle. Il sautait, il galopait, tout comme s'il n'avait pas eu un gros ventre à traîner. Sophie, et ce grand maigre qui sautait si haut qu'il a accroché le lustre. Madeleine, il a manqué de prendre feu, ce pauvre maigre, c'est qu'il aurait brûlé comme une allumette. Sophie, as-tu remarqué cette petite fille prétentieuse qui faisait des mines et qui était si ridiculement mise? Madeleine, non, je ne l'ai pas vue. Comment était-elle habillée? Sophie, elle avait une robe grise avec de grosses fleurs rouges. Madeleine, ah oui, je sais ce que tu veux dire. C'est une pauvre ouvrière très timide et qui n'est pas du tout prétentieuse. Sophie, par exemple, si celle-là ne l'est pas, je ne sais pas qui le sera. Et cette autre, qui avait une robe de mousseline blanche chiffonnée, avec des nœuds d'un bleu passé qui traînaient jusqu'à terre, trouves-tu aussi qu'elle n'était pas affectée? Camille, voyons, ne disons pas de mal de tous ces pauvres gens qui se sont habillés chacun comme il l'a pu, qui se sont amusés et qui ont contribué à nous amuser. Sophie, avec aigreur. « Mon Dieu, comme tu es sévère! Est-ce qu'il est défendu de rire un peu des gens ridicules ?» Camille. « Non, mais pourquoi trouver ridicules des gens qui ne le sont pas ?» Sophie. « Si tu les trouves bien, ce n'est pas une raison pour que je sois obligée de dire comme toi. » Madeleine. « Sophie, Sophie, tu vas te fâcher tout à fait si tu continues sur ce ton. » Sophie. « Il n'est pas question de se fâcher. » Je dis seulement que je trouve Camille on ne peut plus ennuyeuse avec sa perpétuelle bonté. Jamais elle ne rit de personne, jamais elle ne voit les bêtises et les sottises des autres. Marguerite avec vivacité, c'est bien heureux pour toi. Sophie sèchement, que veux-tu dire par là? Marguerite, je veux dire, mademoiselle, que si Camille voyait les sottises des autres et si elle en riait, elle verrait souvent les vôtres et que nous ririons toutes à vos dépens. Sophie, avec colère, je m'embarrasse peu de ce que tu dis. Tu es trop bête. Élisa qui entre. Eh bien, qu'est-ce que j'entends? On se querelle par ici? Sophie, c'est Marguerite qui me dit des sottises. Élisa, il me semble que, lorsque je suis entrée, c'était vous qui en disiez à Marguerite. Sophie, embarrassée. C'est-à-dire, je répondais seulement, mais c'est elle qui a commencé. Marguerite, c'est vrai, Élisa. Je lui ai dit qu'elle disait des sottises. J'avais raison, puisqu'elle a dit que Camille était ennuyeuse. Élisa, mes enfants, est-ce ainsi que vous finissez une si heureuse journée, en vous querellant, en vous injuriant? Sophie et Marguerite rougirent et baissèrent la tête. Elles se regardèrent et dirent ensemble, « Pardon, Sophie, pardon, Marguerite. » Puis elles s'embrassèrent. Sophie demanda pardon aussi à Camille, qui était trop bonne pour lui en vouloir. Elles achevèrent toutes de se déshabiller et se couchèrent après avoir dit leur prière avec Élisa. Élisa les remercia encore tendrement de toute leur affection et de la journée qui venait de s'écouler.